Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 134, de la magnificence. La magnificence est une vertu spéciale, sa matière, son rapport avec la force. 1. La magnificence est-elle une vertu? La vertu humaine est une sorte de participation de la vertu divine. Or, comme le proclame le psalmiste, 67:35, la magnificence divine se montre dans les nuées. Cela suffit pour conclure que la magnificence est une vertu. On appelle vertu ce qui marque la plus haute puissance de nos facultés. L'essence de la vertu consistant dès lors dans une certaine grandeur, la magnificence, qui, comme son nom l'indique, s'élève à la première condition de la vertu, à quelque chose de grand, est véritablement elle-même une vertu. Note. Faire quelque chose de grand, voilà le propre de la magnificence. Ce qui appartient à quelqu'un n'étant pas véritablement grand en comparaison du culte divin et des affaires publiques, l'homme magnifique ne fait pas de grandes dépenses pour lui-même, mais sa vertu brille néanmoins, soit dans les circonstances personnelles qui n'arrivent qu'une fois, comme les noces et d'autres fêtes semblables, soit dans certaines œuvres qui doivent durer longtemps, telle que la construction d'une habitation convenable, etc. Fin de la note. 2. La magnificence est-elle une vertu spéciale? La magnificence est placée par le philosophe au nombre des vertus spéciales. Elle en est une, effectivement, quand on la prend dans son sens propre, qui est de faire quelque chose de grand. Elle veut que les œuvres produites par les arts aient une certaine importance, soit par les dimensions, soit par la valeur, soit par la dignité. Note. La magnificence tend à la grandeur dans les objets d'art, comme la magnanimité y tend dans tous les genres de vertus. La magnificence, dit Cicéron, éclate principalement dans les œuvres grandes et splendides dont s'occupent les esprits vastes et élevés. Elle s'unit surtout à la sainteté, parce qu'il n'existe pas de fin plus élevée que l'honneur de Dieu. De là cette parole du psalmiste, la sainteté et la magnificence se trouvent dans son sanctuaire. Psaume 95, 6. 3. La magnificence a-t-elle pour objet les grandes dépenses? La magnificence, dont le but est de faire quelque chose de grand et qui doit proportionner les dépenses aux œuvres, a comme un triple objet, d'abord les grandes dépenses, sans lesquelles on ne fait rien d'important, ensuite le maniement de l'argent, nécessaire à de telles dépenses, et enfin la modération de l'amour de l'argent, pour que l'avarice n'y devienne pas un obstacle. Note. L'argent est l'objet de la libéralité et de la magnificence, de la libéralité, qui en fait l'usage ordinaire, de la magnificence, qui cherche la grandeur dans son emploi. Alors, dira-t-on, les riches seuls peuvent avoir la vertu de magnificence. Il faut se détromper. L'acte principal d'une vertu est dans la volonté. Les pauvres peuvent, sans les biens de la fortune, nécessaires seulement aux actes extérieurs, être magnifiques relativement à leur position, par comparaison de ce qu'ils font avec ce qu'ils possèdent. Fin de la note. 4. La magnificence fait-elle partie de la force? Pour qu'une vertu soit unie à une vertu principale, il faut, premièrement, qu'elle ait du rapport avec elle, secondement, qu'elle en soit dépassée sur quelques points. La magnificence et la force tendent toutes les deux à un but ardu et difficile, elles ont, par là même, du rapport l'une avec l'autre. Mais la force, qui affronte des dangers personnels, est supérieur à la magnificence, dont toute la difficulté consiste à se résoudre aux grandes dépenses, ce qui est beaucoup moins grave qu'un péril de mort. C'est pourquoi la magnificence fait partie de la force. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.